Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Voltaire et l'affaire Calas. En 1762, Voltaire a 68 ans. Cela fait plusieurs années déjà que le célèbre philosophe, interdit de séjour à Paris et à Versailles par le roi, est contraint à l'exil. Un exil doré, mais un exil tout de même, qu'il partage entre les délices, sa belle demeure près de Genève, et son non moins beau domaine de Ferney, situé en France de l'autre côté de la frontière. Pour le vieil écrivain qui en a soupé des princes, des embastillements et des lettres de cachet, cette position stratégique doit lui assurer enfin un semblant de paix et de liberté. L'auteur à succès de Candide a décidé qu'il était temps de cultiver son jardin au sens figuré comme au sens propre. Mais en 1762, un événement vient bousculer sa vie tranquille, l'affaire Calas. Jean Calas, un protestant toulousain, injustement condamné au supplice de la roue pour le meurtre de son fils, un crime qu'il a toujours nié. L'affaire va occuper le vieux philosophe pendant 3 ans et marquer le début de ses plus grands combats, ceux qui, pour toujours, feront de Voltaire l'incarnation de l'intellectuel engagé, qui, par le verbe et par la plume, se lève contre l'arbitraire et pour la tolérance. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Benoît Garneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la justice et de la criminalité sous l'Ancien Régime. Vous connaissez bien l'affaire Calas, à laquelle vous avez consacré plusieurs articles et ouvrages, où vous n'êtes pas toujours tendre avec Voltaire, on va le voir, Voltaire, notre héros national, que vous allez jusqu'à accuser, je cite, d'imposture intellectuelle, hein, vous y allez fort. On y reviendra avec vous, donc nous allons tenter de faire la part dans cette affaire entre la légende et la vérité historique. Pourquoi d'abord l'affaire Calas est-elle si connue? C'est grâce à Voltaire ? Oui, c'est grâce à Voltaire. C'est lui qui a fait d'une affaire presque banale, enfin un crime familial, un enjeu national et même international. Pour poursuivre un but dont on parlera sans doute en détail. L'histoire que je vais raconter commence le 24 mars 1762. Voltaire, je l'ai dit, a 68 ans. C'est un vieil homme quand même pour l'époque qui tous les jours se croit mourant. En réalité, il l'ignore bien sûr, il atteindra l'âge de 84 ans. Alors Benoît Garneau, en 1762, quelles ont été les grandes étapes de sa vie qui l'ont amené à vivre là, près de Genève ? Voltaire a toujours été un opposant et un critique limité, je dirais, mais un critique quand même particulier des excès de l'absolutisme et de la religion dans la mesure où elle se manifeste par une intolérance. Alors il a passé plusieurs époques de sa vie dans des endroits différents, le plus souvent loin de Versailles et de Paris, alors soit en Champagne avec sa maîtresse Madame du Châtelet, soit ensuite en Prusse avec le roi Frédéric II, avec lequel il a fini par très mal s'entendre. Et finalement, il a décidé, ayant les moyens financiers pour le faire, de s'installer dans un endroit qui serait en France ou près de la France, mais qui lui permettrait en même temps de quitter éventuellement la France en cas de poursuite. Oui, il a peur d'être arrêté. Il a peur d'être arrêté, c'est une peur tout à fait exagérée, parce qu'à ce moment-là, en 61-62, Voltaire est immensément célèbre, c'est l'écrivain et l'intellectuel le plus célèbre d'Europe, et il est évident que la monarchie française ne se risquerait pas à l'arrêter. D'autant plus qu'il a des soutiens à la cour, et Madame de Pompadour, la maîtresse du roi, et fait partie de ses amis. Mais il aime bien se faire passer pour une victime potentielle, en quelque sorte. Il y a beaucoup d'aspects théâtraux chez Voltaire. C'est un auteur de théâtre, c'est normal. De théâtre. Avant tout, il est célèbre à l'époque, surtout pour son théâtre, qu'on a oublié aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et il est très riche à ce moment-là. Il est très riche, il a fait fortune. Il a des amis financiers, notamment parmi les fermiers généraux. Il a fait fortune en investissant dans un très grand nombre d'entreprises, dont notamment la traite des Noirs. On lui a beaucoup reproché. Et avec son argent, il peut s'installer où il veut. C'est pour ça qu'il y a une grande différence avec Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui lui est très pauvre. Et il y a une certaine jalousie de la part de Rousseau vis-à-vis de Voltaire, qui s'est enrichi. En même temps, cette richesse lui accorde une certaine liberté, une autonomie, quoi. Il dépend moins des princes. Tout à fait. Il dépend pas du tout. Il est même plus riche que beaucoup de grands aristocrates. Quelles ont été ses grandes œuvres jusqu'à présent ? Pour les contemporains, ces grandes œuvres sont les œuvres théâtrales et puis les œuvres historiques aussi. Et philosophiques ? Les philosophiques, elles sont beaucoup moins connues, elles sont connues qu'une petite élite à l'époque. Pour nous, aujourd'hui, ces grandes œuvres sont les œuvres philosophiques et les contes. Candide, bien sûr. Candide, Zadig, etc. Alors Jean Calas est protestant, hein. En réalité, officiellement il est catholique, mais quelle est la situation des protestants en France en 1762 ? Alors elle est très ambiguë comme toute la société française de l'époque. Officiellement, le protestantisme est interdit. Il ne doit pas y avoir de protestants en France depuis la révocation de l'édit de Nantes à la fin du XVIIe siècle. 1685, en réalité, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le protestantisme est toléré, à condition que les protestants en question pratiquent leur religion de façon très discrète, c'est-à-dire chez eux, et à l'extérieur montrent des signes de respect envers la religion catholique. C'est-à-dire qu'ils se fassent baptiser, tout le monde sait très bien que c'est tout à fait artificiel, qu'ils n'y croient pas. Baptisé catholique, oui. Que, par exemple, si une procession catholique passe dans la rue, eh bien, qu'ils se mettent à genoux, ou qu'ils se découvrent, ou qu'ils rentrent chez eux, mais qu'ils ne montrent pas d'hostilité du tout. Ils doivent avoir l'air catholique. Ils doivent avoir l'air catholique, ou plutôt ils ne doivent pas avoir l'air anti-catholique, plus exactement. Ils doivent se marier à l'église catholique, quand même, aussi. Oui, ils doivent se marier à l'église catholique. Donc, tolérance. Ce qu'on ne supporte pas, c'est si un protestant veut essayer de convertir des catholiques, et en particulier quand des pasteurs viennent de l'étranger, des pasteurs protestants, oui, pour essayer de convertir, s'ils se font prendre, là, ils risquent très gros, ils risquent jusqu'à la pendaison. Donc, tolérance, mais sur un fond d'intolérance latente. Je veux dire qu'au moindre problème qui peut se poser, eh bien, la vieille haine entre catholiques et protestants peut ressurgir. Le protestant peut tenir le bouc émissaire des problèmes qui se posent. C'est ce qui va se passer avec l'affaire Jean Calas. Avec Calas, oui. Benoît Garnot, on poursuit, si vous le voulez bien, tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, Voltaire et l'affaire Calas, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Sophie Aude-Picon. Ah, ce parterre de tulipes et d'anémones, une merveille pour les yeux. Et le verger, les pêches sont splendides. J'ai déjà sur la langue le goût de leur chair exquise. Quel plus grand plaisir pour un frugivore. Il faut cultiver notre jardin, notre bon vieux monde. Chacun, avec son talent, doit tout faire pour le rendre meilleur. Malheureusement, le laboureur exerce le plus noble et le plus méprisé des métiers. Mais où sont les jardiniers ? On n'a pas encore planté les oignons. 24 mars 1762. Voltaire, 68 ans, vient d'arriver aux Délices, sa résidence d'été située sur le territoire de Genève. 8 ans plus tôt, Louis XV lui avait notifié une interdiction formelle de revenir à Paris. Et il avait donc acquis les Délices, une maison de maître qui domine le lac Léman avec vue sur le Mont Blanc. C'est Voltaire lui-même qui a dessiné les jardins. Riche d'une fortune amassée au cours des années grâce à la spéculation financière, il est au fait de sa gloire. Candide ou l'optimisme, paru 3 ans plus tôt, s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires dans toute l'Europe. C'est le plus grand succès de librairie du siècle. Il vit entouré de sa nièce et maîtresse, Madame Denis, et d'une lointaine parente de Corneille, Marie, dont il a fait sa pupille. Ce matin du 24 mars 1762, cette vie paisible va être bouleversée par une visite inattendue. Ah, j'étais sûre de vous trouver dans le potager et la bêche à la main. On vous demande. Qui me demande ? Littérature ou agriculture ? Ni versificateur, ni laboureur. Il dit s'appeler Dona Calas et être le fils de ce huguenot Jean Calas. Calas ? Ça vous dit quelque chose ? Et comment ? Un protestant qui a étranglé son fils parce qu'il voulait devenir catholique, par acquis de conscience, en somme. Ah, ça, nous ne valons pas grand-chose. Mais les protestants sont pires que nous. Où est-il, ce garçon ? Il attend derrière la haie. Je cours, Marie m'attend dans notre théâtre. Montrez-vous, monsieur Calas. Monsieur de Voltaire ? Ah non, moi je suis le jardinier. Ah. Non, restez. Que lui voulez-vous au vieux Voltaire ? Monsieur de Voltaire, je viens implorer votre aide. Mon père a été injustement mis à mort pour le meurtre de mon frère. Injustement ? Mais votre père était un persécuteur et... Mon père assassinait son fils. C'était un brave marchand d'étoffes de coton, connu de tous pour sa probité, le plus doux des hommes. Je ne l'ai jamais vu en colère. Comment serait-il passé de cette douceur à la fureur d'étrangler son fils de ses propres mains ? Votre frère voulait se faire catholique. Le baptême était prévu. Mais c'est faux. Marc-Antoine était protestant. En riant, il traitait de déserteur notre frère aîné Louis, qui lui est devenu catholique. Qu'est-ce que vous me dites là ? Vous avez un frère aîné catholique ? Oui. Et mes parents lui font une pension. Asseyons-nous à l'ombre et racontez-moi votre histoire. Je vous en prie. Alors ? Le 13 octobre dernier, mes parents dînent avec mes frères Pierre et Marc-Antoine. Et un ami, Gobert Lavesse, le fils d'un avocat toulousain. Marc-Antoine s'en va vers 19h30. 2 heures plus tard, on raccompagne l'invité. Il faut passer par la boutique au rez-de-chaussée. Et Marc-Antoine est là, mort, près de la porte, étranglé. C'est ce que ma mère m'a écrit, je n'en sais pas plus. Vous n'étiez pas là ? Non, j'étais en apprentissage à Nîmes. Quand j'ai appris qu'on avait arrêté mes parents, mon frère Pierre, Gobert et même mes 2 sœurs qui n'étaient pas là au moment des faits, je me suis réfugié à Genève. C'est pourquoi vous êtes libre. Poursuivez. Ils étaient tous en prison. Et moi j'étais ici, loin d'eux, à m'inquiéter. Mais quoi, mon père, meurtrier de mon frère ? C'était tellement extravagant que ça me rassurait. Je me disais que la sagesse des juges ne pourrait qu'en être convaincue, vous comprenez ? Oui, vous aviez confiance en la justice. Bien sûr. Une condamnation était inconcevable. Et le 9 mars, la nouvelle de l'exécution de mon père est arrivée. Je n'ai pas la force de dire ce que j'ai ressenti, monsieur, il était innocent. Mon Dieu. Selon vous, votre père n'aurait pas commis ce crime ? Comment un vieil homme de 78 ans, que j'ai toujours connu souffrant de rhumatisme aux jambes, aurait-il tué de ses mains un homme de 28 ans ? Que toute la province disait le plus robuste de tous. Oui. C'est ridicule. Aucun argument ne tient s'il y a impossibilité physique. Cependant, tout ça ne nous dit pas qui l'a tué. Comment le savoir ? La justice n'a pas cherché la vérité et nous a accusés. Parce que nous sommes protestants, monsieur de Voltaire. Je vous supplie d'accorder votre protection à notre famille. Restez chez moi autant que vous voudrez. Je vous offre l'hospitalité. Nous pourrons nous entretenir plus avant de cette affaire. Merci, monsieur. Je suis sceptique. Ce petit est bien joli, mais il n'était pas sur les lieux. Où est donc passée Madame Denis ? Ah oui, au théâtre, c'est vrai. Elle répète ma pièce Cassandre, écrite en 6 jours. La petite Corneille est née actrice comique d'un naturel étonnant. Elle n'a rien du tragique de son illustre ancêtre. Plus sincère, Marie. Rendez-vous à la loi. Révérez sa justice. Elle est commune à tous. La cabane du pauvre est le trône des rois. Ah, mon oncle, vous tombez bien. Dites-le à Madame Denis. Cette tirade est ironique. Moi, je soutiens que vous êtes sérieux. Quand j'écris que la justice est la même pour tous, mais c'est du théâtre. On fait jouer aux acteurs le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Ah, voilà. Merci, mon oncle Voltaire. Madame Denis, j'ai une mission secrète à vous confier. Ça concerne ce petit Calas. Oui, je l'ai invité à rester ici. Installez-le et gardez un œil sur lui. Je veux tout savoir, sa conduite, ses paroles. En un mot, s'il est fiable. Et moi, je vais écrire à quelques amis. Il me faut des éclaircissements. Cher ami, avez-vous des nouvelles vraies sur la condamnation à mort de Calas ? Était-il innocent ou coupable ? 1000 tendres amitiés. Si on y pense, tout ceci est digne des siècles les plus barbares. Il s'agit de savoir si un père a étranglé son fils par tendresse protestante ou si les juges ont fait mourir sur la roue un père innocent par amitié catholique. Bref, d'un côté ou de l'autre, du fanatisme. Après la rencontre avec Donna Calas, Voltaire mène l'enquête. Il écrit à ses amis magistrats, le procureur de Nîmes, le président du tribunal de Bourgogne, un membre du tribunal de Dijon et un conseiller au tribunal de Paris. En avril 1762, il s'occupe aussi de faire représenter dans le théâtre qu'il a fait construire aux Délices sa pièce « Cassandre » devant un public venu de toute l'Europe. Elle sera ensuite créée à la Comédie-Française. Mais au milieu des spectacles, Voltaire tombe malade. Le 9 mai, il reparaît à table. En veste de basin gris, longue perruque et petit bonnet de velours noir, il est amaigri, mais son sourire malicieux est revenu. Je reviens à la vie, pas moins. Madame Denis, vous m'écoutez ? Oui, oui, oui. Et Marie, elle a déjeuné ? Elle est au poulailler à donner du grain à la volaille. Notre chère petite fait mieux la fermière que la femme savante. Bon, qu'importe. Apprenons-lui à vivre dans le monde et à y être heureuse. Dites-moi, Madame Denis, je vous avais confié une mission. Qu'avez-vous découvert sur le petit Calas ? Rien. Un mois que je le fais épier jour et nuit, il a l'innocence la plus pure et la douleur la plus vraie. Ah, mon oncle, chère Maman Denis, il fait si chaud aujourd'hui. J'avions soif. Et vous riez. J'avions. Moi, je lui apprends la grammaire et quand je lui parle de l'accord du verbe avec le substantif... Qu'il s'accorde ou se querelle, peu me chaud. Que celui qui est sans péché grammatical me jette la première pierre. N'est-ce pas, mon oncle ? Et elle repart. Ah. Notre petite Marie me rend la santé. Quand je pense que j'ai été sur le point d'aller voir dans l'autre monde si l'on y fait autant de sottises que dans celui-ci. Monsieur de Voltaire, mon frère est là. Pierre est à Genève. Je veux le voir. Il est au jardin ? Oui. Allons-y, Donna. Monsieur de Voltaire, je vous suis infiniment reconnaissant de me recevoir. Ah oui, mais il faut tout me raconter. Ce soir du 13 octobre, vous y étiez, vous ? Que s'est-il passé ? Marc-Antoine est parti après dîner. J'ai pensé qu'il allait, comme d'habitude, aux quatre billards. C'est un salon de jeu. Mon père a fait la conversation à l'invité. Ma mère était à la cuisine. Et moi, je somnolais dans un fauteuil. Et vous êtes restés tous ensemble jusqu'au départ de l'invité ? Oui, je vous le jure. Vers 21h30, Gobert a décidé de partir, je le raccompagne, et là, dans la boutique, j'ai découvert mon cher frère. Il était trop tard. C'est un crime crapuleux ayant le vol pour mobile. Une dette de jeu, quoi. Dis-lui la vérité, Pierre. Monsieur de Voltaire fait tant pour nous aider. Marc-Antoine s'est donné la mort. Comment ? J'ai coupé la corde où il s'était pendu. Et je l'ai allongé. Ma mère, la pauvre, est allée chercher de l'eau de Hongrie pour le ranimer. Et puis le juge d'instruction est arrivé. Si vite ? Oui. La foule l'avait déjà prévenu. C'était David de Baudrigue. Ça m'a inquiété parce qu'il est connu pour être un ennemi acharné des protestants. Il a fait venir des chirurgiens assermentés. Ils ont dit que Marc-Antoine avait été pendu par lui-même ou par d'autres. Baudrigue a tout de suite dit qu'il s'agissait d'un crime calviniste commis par la famille. Pourquoi ne pas lui avoir dit qu'il s'était suicidé ? Vous savez ce que signifie un suicidé pour la famille ? Voir le cadavre de mon frère attelé à un cheval et traîné par les rues, puis jeté à la décharge publique, aux chiens ? Je comprends. Mais ce mensonge funeste laissait penser qu'il avait été étranglé. C'est vrai. 3 jours après, le procureur a requis la peine de mort contre toute notre famille. J'étais dans la même geôle que mon père. J'ai vu, comme ils l'ont supplicié, la question ordinaire... Ses membres étirés, vous savez. Toute la nuit, j'ai essayé de soulager ses douleurs. Et le lendemain encore, mon père a crié son innocence jusqu'au bout. Il n'a fait aucun aveu, même sous la torture ? Non. Et que vous est-il arrivé une fois votre père exécuté ? Je n'ai pas compris. Le procureur a demandé l'acquittement pour ma mère et Gobert. Moi, il m'a banni de Toulouse. Mais ils m'ont sorti par une porte de la ville pour me faire entrer par une autre porte et m'enfermer dans un couvent de dominicains à Toulouse même. Il y a une semaine, j'ai réussi à m'évader. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Votre père n'a pas fait d'aveu sous la torture, ce qui prouve son innocence et par conséquent la vôtre. Des juges auraient sciemment assassiné un innocent. Je ne peux y croire. C'est ce que mon père disait en mourant. Il prenait Dieu à témoin de son innocence et le priait de pardonner à ses juges que la calomnie avait trompé. Comment ont-ils pu ? Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Vous pleurez ? Depuis 1685, année de la révocation de l'édit de Nantes, qui a interdit la religion réformée, les protestants sont obligés de faire un mariage catholique et de baptiser catholiques leurs enfants. Toulouse ne compte que 200 protestants, mais le souvenir des guerres de religion y est encore vif. Un an plus tôt, le tribunal a condamné à mort un pasteur pour avoir pratiqué clandestinement son culte. Voltaire avait échoué à obtenir sa grâce auprès de Louis XV, qui l'a banni, le jugeant trop critique. Dans l'affaire Calas, Voltaire va donc engager la bataille sur le front juridique. Ce 25 mai 1762, au Délices, dans le salon décoré de grands miroirs, le philosophe guette l'arrivée de son ami, l'avocat Élie de Beaumont. Ce garçon, Pierre Calas, je l'ai vu en larmes. Les fanatiques ne pleurent pas. Oui, cette affaire m'intéresse en tant qu'homme et même un peu comme philosophe. Le parti des dévots catholiques a imposé sa décision au juge. La destinée me force à soutenir un roué contre un tribunal. Eh bien, soutenons. Ah, le voilà. Cher maître, je suis désolé de vous avoir infligé ce voyage, mais le roi ne veut plus voir le bout de mon nez à Paris. C'est un honneur, cher ami, que vous ayez fait appel à moi, et votre jardin à lui seul vaut le voyage. Il est de toute beauté. Ah oui, je plains ceux qui vivent loin des fleurs. On va s'occuper de votre cheval. Asseyez-vous. Prenez un peu de thé, c'est rafraîchissant. Merci. Alors, qu'avez-vous appris du procès de Jean Calas ? Son avocat toulousain affirme que la procédure est pleine d'irrégularités. À charge contre la famille, est basée uniquement sur des rumeurs qui disaient avoir entendu le père menacer son fils parce qu'il voulait se convertir. Oui. La loi dit que quand on trouve un homme mort dans la maison de celui qui l'a menacé, celui-ci est réputé coupable. Mais elle dit aussi que pour condamner à mort, il faut soit un aveu, soit deux témoignages directs, soit un indice indubitable. N'est-ce pas ? En effet. Et il n'y a rien de tout cela. Ils ont fait un appel à témoins qui a été lu par les prêtres dans toutes les paroisses de Toulouse. Quiconque ayant vu Marc-Antoine dans une église, mais surtout le prêtre qui l'aurait conduit vers la conversion, devait se faire connaître. Personne ne s'est signalé. Tout ceci ferait lever les épaules si l'affaire n'était si tragique. Rien, donc. Aucune preuve légale pour condamner un homme à mort. Aucune. D'ailleurs, sur les 13 juges de la chambre criminelle, 5 ont déclaré Jean Calas innocent pendant les 10 séances qu'a duré le procès. Mais il faudrait l'unanimité pour livrer un père de famille à la mort. Sur quels éléments ont-ils pu juger ? Sans pouvoir consulter le dossier, impossible de le savoir. Le dossier de l'instruction, vous voulez dire ? Oui. Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Nous allons demander au tribunal de Toulouse de le communiquer. Les juges vont dire que ce n'est pas l'usage. Mais monstre ! Il faut que ce soit l'usage. C'est la tyrannie qui verse le sang à son gré. Il faut qu'on oppose indice à indice, déposition à déposition, et qu'on sache par quel raisonnement les juges de Toulouse ont décidé. Mais seul le ministre de la Justice peut exiger ce dossier, et il... Écoutez, s'il s'agit d'un assassinat en famille, soit ils sont tous coupables, soit tous innocents. Or, les juges ont exécuté le père Calas et disculpé les autres. Il y a là une évidence. Les deux jugements se contredisent. Cela devrait suffire, non ? Pour forcer le ministre à se faire présenter le dossier. Oui, en principe. Mais je prévois de grandes difficultés. Pourquoi vous vous intéressez tant à Jean Calas ? Oh, ce n'est pas par sympathie pour les protestants. Mais il n'est pas supportable que quiconque subisse des persécutions au nom de la religion. Et cette affaire regarde le bien public. La culpabilité de Jean Calas n'est pas prouvée. Alors qu'est-ce qui a convaincu les juges? La rumeur populaire qui prétend qu'un protestant a tué son fils de ses propres mains? Ce préjugé des intolérants, selon lequel ceux qui ont une autre religion que nous sont capables des plus grands crimes? Voltaire, conscient des obstacles, rédige les témoignages des deux fils et de Madame Calas, ainsi qu'une lettre de Donna Calas demandant au ministre de la Justice d'ordonner la divulgation du dossier d'instruction par le tribunal de Toulouse devant le Conseil d'État. Voltaire les publie dans un recueil, les pièces originales concernant la mort de Jean Calas et le jugement rendu à Toulouse, qui paraît à Paris en juin. Pour sensibiliser le public au sort de la famille Calas, Voltaire finance le voyage à Paris de Madame Calas, qui, d'abord réticente, est accueillie dans la capitale le 11 juin par des amis intimes de Voltaire. Mais l'opinion publique reste hostile aux protestants. En 1762, la France est en guerre contre l'Angleterre protestante en Amérique du Nord. Les protestants sont soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi anglais. Voltaire envoie cet été-là plus de 300 lettres pour mobiliser ses réseaux d'influence. Ce matin du 2 juillet, il a écrit toute la nuit. En voilà un qui me répond. Qu'importe Jean Calas quand nous sommes en guerre pour garder la Martinique, plutôt l'injustice que réveiller le désordre. On croit à Paris que ce n'est rien de rouer un homme, mais cette iniquité horrible nous rend odieux dans les pays étrangers. Je vais soulever l'Europe entière et que ces cris tonnent aux oreilles des juges. Crier. Et faire crier. Il n'y a que le cri public qui puisse nous obtenir justice. Si mes yeux me faisaient moins souffrir. Marie, j'ai encore besoin de toi. Ah, que c'est ennuyeux, je passe tout mon temps à écrire à droite, à gauche, au comté, à la comtesse d'Argental, à celui-ci, à celle-là. Eh bien, dis-toi que ce sont des gens importants. Allez, voici une plume. Tu as du papier? Oui. Bien. Au Délice, le 2 juillet, à Monsieur de Saint-Florentin, ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Monseigneur. Monseigneur. On me conjure de prendre la liberté de vous adresser ces pièces. La liberté de vous. Et je la prends. Je vous supplie d'excuser l'attendrissement avec deux T. Ah oui. Qui me force à vous importuner. Je crois l'innocence de Calas démontrée. Et j'ose vous dire que plus d'une nation en Europe vous bénira. Plus d'une nation en Europe. Si vous daignez protéger une famille malheureuse et une mère vertueuse réduite à l'état le plus horrible. À l'état le plus horrible. Je signerai. Voyons un peu ce que tu as écrit. Mais tes lignes sont en fort bon ordre de bataille. Oh non, regardez, elles chevauchent les unes sur les autres et se rejoignent à l'extrémité. Je vais recopier et débrouiller tout ça. Mais qui est cet innocent? Jean Calas, un père condamné à être roué. Le supplice de la roue, tu sais ce que c'est? Non. On l'a étendu tout nu sur des planches au milieu de la place, et à coups de barre de fer, le bourreau lui a brisé les os, un par un. Après chaque coup, le juge se penchait sur le visage du supplicié en quête d'un aveu. Calas n'a rien dit. À la fin, on a monté le corps fracassé sur une roue de voiture pour l'exposer. Eh bien, au bout de 2 heures, il était toujours vivant. Ils ont dû l'étrangler. Ça fait saigner le cœur. Mon oncle, vous êtes le Don Quichotte des malheureux. J'écrirai autant de lettres que vous voudrez. Parfait. Car si quelque chose peut arrêter la rage du fanatisme, c'est bien de rendre public ses méfaits et subito, allegro, presto. En août 1762, Voltaire lance la polémique sur la peine de mort et la nécessité de la réformer. Il fait circuler un texte où il compare les systèmes anglais et français. En Angleterre, toute condamnation à mort doit être approuvée par le roi. ce délai aurait laissé un recours à Jean Calas. La venue de la veuve Calas à Paris fait événement. On s'émeut de son sort, on veut la rencontrer. L'opinion publique commence à réclamer la révision du procès. L'été s'achève aux délices et Voltaire, Madame Denis et Marie regagnent Ferney, un village français situé à 1 kilomètre de la frontière suisse. 3 ans auparavant, après le succès de Candide, Voltaire y avait fait construire un château. Il possède là un immense domaine agricole, des vignes, une forêt, un étang et un jardin à la française avec de belles allées. 7 kilomètres seulement séparent les délices du château de Ferney. Dans la calèche, ce 30 septembre, Voltaire se réjouit. Le Conseil d'État a accepté d'examiner la requête des Calas. La voix publique triomphe. À force d'élever la voix, on se fait entendre des oreilles les plus dures. Ah, messieurs les roueurs vont devoir reconnaître qu'ils ont été excités par les fanatiques catholiques. Je sais de quoi l'esprit de parti est capable. On juge rapidement, on avale la calomnie comme du champagne et on rend son vin sur le visage du calomnié. Jean Calas n'est pas l'intolérant, il est la victime du fanatisme religieux, une hydre toujours renaissante. On doit lui couper la tête dès qu'on en trouve une qui remue. Écraser l'infâme. Tiens, la voisine a déjà commencé les vendanges. Ah, je voudrais me porter assez bien pour être garçon vendangeur. J'ai envoyé le jardinier chez la voisine pour avoir quelques plans de ses excellents figuiers. Eh bien, moi, j'écris une nouvelle pièce de théâtre. Ah, ah, je n'en dis pas plus. J'en lirai des extraits jeudi. On sera 43 à table. Oh non! Tout le va-et-vient va reprendre. Ouh, je ne me trouble pas de vos colères. C'est excellent pour la santé d'épancher sa ville. Je trouve qu'il manque à Ferney une enseigne. Hôtellerie de l'Europe. Ici, on loge à pied et à cheval. Ah, nous y voilà. Qu'il est beau, notre Ferney. Il y a une voiture dans la cour. Des invités, déjà? Non. C'est Élie de Beaumont. Cet avocat est actif, ardent. Sans contraint qu'on aura gain de cause. Alors, ce dossier d'instruction, vous l'avez lu? Il y a des preuves de culpabilité? Non, aucune. Mais il y a eu un problème. Lors du premier interrogatoire, quand on demande à Jean Calas de quoi son fils est mort, il répond qu'il a été victime d'une agression. Mais le lendemain, il dit avoir trouvé son fils pendu à une corde dans le magasin, suicidé. Et alors? En quoi cela accuse-t-il Jean Calas, au contraire? Oui, mais il change de version. Les juges ont pensé qu'il parlait du suicide pour s'innocenter. Un aveu, en quelque sorte. Et les médecins? Ils ont soutenu la thèse du suicide? Non. Ils disent étrangler sans préciser. Mais j'ai soumis le dossier à un chirurgien. Il a comparé les signes cadavériques des pendus avec ceux relevés sur Marc-Antoine. Il est formel. On ne l'a pas étranglé. Il aurait résisté. Or, il n'a pas d'ecchymose. Pour lui, aucun doute. Marc-Antoine s'est suicidé. C'est donc établi. L'erreur judiciaire est avérée. Que pense-t-on à Paris? Les salons et tous les suiveurs sont en faveur de la révision du procès. Et l'affaire fait grand bruit à la cour. Peut-être ne fera-t-elle que du bruit. Il nous faut une stratégie. L'honneur des juges, comme celui de n'importe qui, est de réparer leurs fautes, mordieu. Il faut forcer le Conseil d'État à refaire le procès. J'y ai réfléchi. Je vais rédiger un mémoire, une sorte de plaidoirie, où seront relevés tous les vices de procédure propres à faire casser l'arrêt de Toulouse. Si je convainc une douzaine de confrères de le signer, légalement, le Conseil d'État est obligé de réexaminer le dossier. Très bien. Oui. Faire brailler tout l'ordre des avocats aux oreilles du ministre de la Justice. Calas, Calas. En attendant, si cette famille Calas pouvait vivre en paix. Savez-vous que les filles sont toujours emprisonnées? Oui, je sais. En septembre 1762, Élie de Beaumont publie son mémoire pour les Calas, demandeur en cassation d'un arrêt du tribunal de Toulouse. Il est signé de 15 avocats. Le Conseil d'État exige du tribunal de Toulouse qu'il produise le dossier de l'instruction en vue de réviser le procès. Une avancée déterminante. En octobre, Voltaire commence le traité sur la tolérance. Il fait de l'affaire Calas un combat philosophique contre ce qu'il appelle l'infâme, la superstition, l'obscurantisme, l'arbitraire, l'injustice, la bêtise, tout ce qu'il juge nocif à l'humanité. En novembre, la guerre de 7 ans prend fin. La France perd la Nouvelle-France et l'Angleterre devient la première puissance mondiale. Mais en France, l'hostilité contre les protestants se tempère. Le soir de Noël, Voltaire est installé au coin du feu dans un bel habit mordoré à grandes manchettes de dentelle. La paix est signée. On n'entend que des cris de joie. Il vaut mieux cultiver sa raison que se battre. Mais plus funeste que la guerre, il y a le fanatisme religieux et mon livre va instruire son procès. 15 siècles d'horreur, des peuples égorgés au pied des autels, des rois poignardés, des états divisés, des millions d'Amérindiens tués, partout des persécuteurs, des inquisiteurs violant toutes les conventions divines et humaines. Voilà l'histoire du fanatisme religieux. Jean Calas était protestant. Il a approuvé la conversion de son fils Louis. C'est cela, la tolérance. Il faut faire un livre court, à la portée de tous. Oh, j'ai hâte, mon oncle, la messe de minuit. Et avec qui, je vous le donne en sang, Monsieur de Voltaire. Pourquoi pas? Me prendriez-vous pour un mécréant, mademoiselle? Moi non, mais mère Théophanie, quand au couvent vous avez demandé à m'adopter, elle disait que vous n'étiez pas un bon catholique. Cette bonne mère Théophanie. Il n'y a pas une ligne contre la religion dans mes écrits. Le prétendant n'est pas là? Bien. Nous devons parler de ce Cormon qui veut épouser notre mari. Quel bourrique celui-là! Il est le théâtre! Je ne peux pas le souffrir. Il se prend pour un philosophe et il marchande notre mariage. Pour marchander, ça marchande et âprement. Et si ce n'est qu'un demi-philosophe, il n'est pas demi-pauvre, il l'est complètement. Sais-tu, Marie, qu'à ce train, tu finiras dans le célibat? Voir. Que veut dire ce voir? Qu'il y a juste à côté d'ici un jeune militaire, jolie figure, bon gentilhomme, 10 000 livres de rente, des terres. Il s'appelle Claude Dupuis. Il me trouve délicieuse comme je suis et je vois bien qu'il le pense vraiment. Avec votre permission, mon oncle, je l'épouse. Voilà qui est rondement mené. C'est qu'on est fraîchement converti au mariage et les nouvelles converties ont toujours beaucoup de zèle. Eh bien, il n'y a pas à barguigner. Si ce petit Dupuis est aimé, Marie, il faut l'épouser. Allons, donnez-moi le bras, mon oncle. Claude est un ange, vous verrez. Cher oncle, je suis la plus heureuse du monde. Ah, chère petite Marie. Je suis vieux comme le temps, et la consolation de la vieillesse, c'est de voir la jeunesse heureuse autour de soi. En ce Noël 1762, Voltaire peut se féliciter de l'apaisement que connaît la famille Calas. La mère est en sécurité et Pierre a été admis dans la communauté protestante de Genève, un préalable pour demander la citoyenneté. Reste une ombre au tableau. Les sœurs Calas, Anne-Rose et Nanette, sont toujours emprisonnées dans un couvent. Le 29 décembre 1762, Voltaire achève le traité sur la tolérance. Je le publierai quand la date du procès en cassation sera fixée, c'est plus prudent. Cette affaire est ce que j'ai connu de plus horrible depuis que je suis au monde. Si notre siècle a des moments de raison, il en a de folie bien atroce. Tout ce que je vois de loin redouble mon goût pour la retraite, cet ermitage rustique assiégé par 4 pieds de neige, quelle beauté! Vive les lettres et les arts! C'est la santé du corps et de l'âme. Mais cet homme sur le perron, c'est Donna. Il a bravé la neige à cheval pour venir chez son vieil ami. Entrez. Venez vous réchauffer près du feu. Merci. Quel froid. Heureux de vous voir. Du vin? Volontiers. Le peu de temps qui me reste à ramper sur ce globe, le vin m'est interdit, mais c'est un plaisir d'en faire boire. Il y a des nouvelles? Oui, monsieur de Voltaire. Mes sœurs ont été libérées. Ah, Notre affaire prend un bon tour. Le ministère va ordonner la révision du procès, sinon il n'aurait pas rendu les filles. Vous croyez? C'est si long. Si long. Mon père a eu confiance en la justice jusqu'à son dernier souffle, mais patience. Les lenteurs sont inévitables. Tout le public est pour vous, toute l'Europe. La nation se prononcera contre les dévots fanatiques. La raison l'emportera. Il surgira quelque bien de cette horrible injustice. Ah, si vous disiez vrai. Si cela rendait les esprits plus éclairés. Oui. Quand on a fait une injustice, on en rougit. Ah, je sais bien que les protestants seront damnés dans l'autre monde, mais il n'est pas juste que vous soyez persécutés dans celui-ci. Vous êtes bien triste, mon petit, aujourd'hui. Je ne cesse de penser à Marc-Antoine. Se suicider. Et rien. Rien de l'arrêter. Il se refusait à demander le certificat de catholicité nécessaire pour devenir avocat et se voyait vendre du tissu toute sa vie. Oh oui, il se torturait. Il paraît que le dernier soir, il tremblait. On lui a dit d'approcher du feu s'il avait froid et il a répondu « Je brûle ». Quel dilemme. Pris entre sa foi protestante et sa passion pour le droit. Toute l'affaire est venue de là. Attesté de sa foi catholique. Comme si un protestant ne pouvait être avocat. La tolérance, c'est l'un des droits les plus sacrés du genre humain. Je viens d'écrire un livre là-dessus, vous savez, que plus personne ne meurt de l'intolérance. Voyez, en mars, ma voisine va me donner des plants de figuier. Je les planterai en avril. C'est ridicule de planter à mon âge, mais un jour, on mangera mes figues. Je suis déjà content du futur. Voltaire et l'affaire Callas de Christine Spianti avec Voltaire, Pierre Beau, Madame Denis, Lara Sueux, Marie Corneille, Pauline Bell, Donna Callas, Samuel Charles, Pierre Callas, Jules Sagot, Élie de Beaumont, Romain Lemire, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Éric Villenfin et Kevin Delcourt, assistante à la réalisation Aurélie Miermont, réalisation Sophie Haute-Picon. Vous écoutez Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, je reprends la discussion sur Voltaire et l'affaire Callas avec mon invité, l'historien Benoît Garneau. So loud on you, sad but it's true. After all we've been through, I'm so loud on you. You put me to hell. Got me under your spell. No matter how hard I try to hide it, the whole world can tell. It just ain't no way. No matter how hard I pray, there ain't nothing I can say that's gonna save us today. I don't understand. You got my heart in your hand. I'm doing the best that I can, but I'm only a man. Robert Finlay, Sold Out on You sur France Inter, Autant en emporte l'histoire, est réalisé par David Le Prince, assisté de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Adèle Caglar. Benoît Garneau, on a vu comment, en mars 1762, le vieux Voltaire s'est emparé de l'affaire Calas. D'abord, il y va à reculons, hein. A priori, il n'a aucune sympathie particulière pour les protestants, au contraire même. Non. Il trouve tout à fait normal au début que Calas ait été exécuté, parce que pour lui c'est un symbole de l'intolérance, donc c'était normal. Voilà. Et puis après il change d'avis. Mais donc il dépasse ses préventions, et un mois seulement après l'exécution de Calas sur la roue, Voltaire, sensible sans doute aux arguments des frères Calas, se met en quête d'obtenir des informations sur l'affaire. Alors, nous avons quitté Voltaire assis au coin du feu dans sa belle maison des Délices le 29 décembre 1762, au moment où il vient d'achever son traité sur la tolérance. Mais à ce moment-là, l'affaire Calas est loin d'être résolue. Alors d'abord, Benoît Garneau, rappelez-nous, quel est son objectif en se lançant dans cette affaire et quelle va être sa méthode ? Alors, l'objectif, il est très clair. On le voyait bien, d'ailleurs, dans la fiction que nous avons entendue. Son ennemi, c'est le fanatisme religieux, ce qu'il appelle l'infâme. Écraser l'infâme, l'expression née à ce moment-là, au moment de l'affaire Calas. Son but n'est pas vraiment de supprimer une erreur judiciaire. L'erreur judiciaire, c'est secondaire. Il a connu beaucoup d'autres erreurs judiciaires avant. Il n'a jamais rien fait contre ces erreurs. Donc, oui, c'est la première fois qu'il s'empare d'une affaire comme ça, qui prend fait cause. Cette erreur judiciaire-là, pour lui, c'est un moyen de lutter contre l'Église catholique en particulier et contre le fanatisme religieux. Donc, il va s'engager à fond là-dedans avec différents moyens qu'on peut examiner. Oui. Mais il a quand même pour ambition, malgré tout, de la réhabilitation de Jean Calas. Oui, la réhabilitation, ça signifie la condamnation morale de l'intolérance religieuse dans son esprit. Oui. Alors, pour y parvenir, il va susciter une campagne d'opinion comme on n'en a encore jamais vu. Il est le créateur, on pourrait dire, des campagnes d'opinion. Ça comprend plusieurs parties, plusieurs composantes. D'une part, il y a des écrits. Alors, il écrit des brefs ouvrages qu'on appelle des factums à l'époque, ou des brochures, soit anonymes, soit dont il attribue la signature à des membres de la famille Calas. Alors oui, que il fait c'est des lui... faux, en fait. Oui, c'est un faussaire. Oui, c'est des faux. C'est des faux. Mais comme pour lui, enfin, la fin justifie les moyens. Oui, c'est et ça. On va voir qu'en effet, c'est ce qui va se passer. Donc, il y a les écrits qui sont plus ou moins percutants, plus ou moins longs, selon le public auquel ils sont destinés. Il y a, deuxièmement, et je dirais presque surtout, la correspondance. Alors, il a un immense réseau de correspondants. Il correspond avec toutes les élites européennes, tous les gens puissants, beaucoup d'hommes de loi. Et donc, il écrit, ou il fait écrire, enfin, il dicte beaucoup, comme on l'a vu dans la fiction, des lettres où il demande à ses amis d'intervenir dans la mesure de leurs moyens pour faire réhabiliter Calas. Alors, les destinataires, ce sont ses amis parisiens, ce sont dans le domaine de la littérature, enfin, les Lumières comme d'Alembert et quelques autres, et ce sont surtout les puissants à la cour, les ministres, les souverains étrangers aussi. Frédéric II, oui, les princes allemands. Roi de Suède. Auprès de Louis XV, le duc de Choiseul et quelques autres ministres ainsi. Et toute cette argumentation qu'on retrouve dans 300 lettres. Alors, c'est pas des lettres en général uniquement consacrées à l'affaire Calas, mais il y a toujours un paragraphe sur l'affaire Calas. Donc, ça revient sans arrêt. Ça finit assez rapidement par trouver un écho dans ces endroits très importants du XVIIIe siècle que sont les salons parisiens où se retrouvent les élites de différents domaines et où on discute et où les idées passent. Et très rapidement, les idées de réhabilitation trouvent un écho considérable dans les grands salons parisiens qui sont très influents sur la politique menée à l'époque. Alors, est-ce qu'on met en cause une affaire particulière ? Enfin, est-ce que c'est une affaire singulière, l'affaire Calas ? Ou est-ce qu'elle est symbolique, même pour les gens de l'époque, d'un système qui ne fonctionne pas ? C'est les deux à la fois. C'est une affaire singulière à cause de la publicité qui est faite. Enfin, il faut pas trop noircir le rôle des parlementaires, c'est-à-dire des juges toulousains. Ils sont pas tout noirs et Voltaire n'est pas tout blanc. Les parlementaires ont agi en toute conscience devant un crime énorme. Ça fait partie de la catégorie des parricides, quand un père tue son fils. Oui, mais enfin, encore faut-il qu'il y ait des preuves. Voilà, alors justement, tout le problème est là. Et le problème est que Callas, en fait, a pratiquement suscité sa condamnation en donnant deux versions différentes. Oui, d'abord, c'est-à-dire qu'il ne veut pas dire que c'est un suicide. Voilà. Première version, il dit, on l'a trouvé mort, mon fils allongé par terre. Bon. Le lendemain, il change de version, on l'a trouvé pendu à la porte. Bon. Or, on reconstitue les faits, on se rend compte que la pendaison à la porte, elle est impossible, parce que si on s'était pendu comme ça, le pendu, il bouge forcément, il tombe et il ne peut pas se pendre ainsi. Oui, mais un homme faible comme Jean Callas ne peut pas pendre voilà. Un homme aussi fort qu'était son fils. Oui. Enfin, beaucoup de choses sont invraisemblables dans cette histoire. C'est pas totalement invraisemblable, parce qu'il y avait l'éventualité que Callas ait été aidé par sa famille pour tuer. Donc, en fait, les parlementaires, ils ont beaucoup hésité. Le premier vote ne concluait pas à la condamnation de Callas. Et ensuite, à bout de la discussion, un parlementaire a changé d'avis à une courte majorité. Il a été condamné ainsi. Oui, ce que vous voulez dire, Bonagarno, c'est que la justice d'Ancien Régime n'est pas si horrible qu'on a bien voulu la présenter par la suite. Enfin, il y a quand même la torture qui existe. Oui, alors, la torture, elle est très rare. Et en général, elle n'est pas appliquée de façon très forte. C'est 1% des affaires au XVIIIe siècle, à peu près. À l'époque de Callas, on torture très, très rarement. Callas a été un des derniers qui a subi la question. Mais est-ce que les magistrats ont subi l'influence de l'Église catholique dans leur jugement? Ils sont catholiques. Oui, mais enfin, ils pourraient faire la part des choses. Non, mais ils sont dans une ambiance où c'est un crime considérable. Les personnes suspectes se sont contredites. Il y a une pression de l'opinion publique, c'est ça, aussi. Oui. C'est tout à fait évident. Il y a 200 protestants à Toulouse et 50 000 catholiques. Le fils, le Callas mort est enterré en grande pompe quelques jours après par les catholiques toulousains. La justice ne se prononce jamais totalement en dehors de la réalité. Et là, les magistrats, mais les magistrats avaient le sentiment, je veux pas les défendre plus qu'autre chose, ils avaient le sentiment, en condamnant Callas, de lutter pour la tolérance. Pour eux, Callas avait tué son fils parce qu'il voulait changer de religion, donc c'était un intolérant. Et c'était la réaction aussi de Voltaire au début aussi. C'est après simplement qu'il a changé d'avis. Pourquoi accusez-vous Voltaire d'imposture intellectuelle, Benoît Garneau? Je n'accuse pas d'imposture. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est parce que, à partir de la façon dont il a présenté l'affaire Callas et d'autres affaires judiciaires ensuite, d'autres affaires qui sont aussi des ordres judiciaires. Parce que là, on est qu'au début de ces grands combats, les grands combats de Voltaire. Il les a présentés d'une façon inexacte. Il a fait de quelques erreurs judiciaires, qui sont indéniables, la norme du fonctionnement de la justice d'Ancien Régime. Or, les erreurs judiciaires sont ultra minoritaire, et pour le reste, ce n'est pas le cas. Donc, avec l'arbre qui cachait la forêt, il en a fait la forêt tout entière. Et le problème, c'est qu'ensuite, on a conservé son interprétation pendant très très longtemps. Et le traité sur la tolérance est quand même un grand texte, Benoît Garneau. Oui. Le traité sur la tolérance est un texte qui reprend, en fait, les idées habituelles de Voltaire, et en effet, qui peut être pris comme une Bible. Enfin, pour Voltaire, c'est pas, ça tombe pas véritablement bien, mais de la tolérance, et qui est toujours, aujourd'hui, d'actualité. Ça ne fait absolument aucun doute. D'ailleurs, après les attentats du Bataclan et tout ça, le traité sur la tolérance a connu un nouveau succès. Donc, c'est un texte qui est encore moderne. À consonance contemporaine. Merci beaucoup, Benoît Garneau. Vous êtes l'auteur de Voltaire et l'affaire Callas, les faits, les interprétations, les enjeux, édité chez Hatier en 2013, et également de vous, C'est la faute à Voltaire, une imposture intellectuelle, chez Belin en 2009. Et bien sûr, à lire de Voltaire, son indémodable traité sur la tolérance, disponible chez Gallimard en folio classique. Voilà, c'est la fin pour ce soir de Temps n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur le site radiofrance.fr où j'attends comme toujours vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous resterons dans les années 20 avec une autre histoire surprenante, celle d'un président de la République française qui, seulement 3 mois après son élection triomphale, allait dégringoler d'un train, errer en pyjama le long d'une voie de chemin de fer. Une histoire aux accents cocasses qui posait en même temps la question de la santé mentale au plus haut niveau de l'État. Paul Deschanel, 1920, le président ne répond plus. C'est samedi prochain à 17h sur France Inter.